C'est que la presse c'est toujours le même kiff, la diff. Le bac à sap, ça c'est nif. Un big et pas mes players, les srab et la mif. J'profite de tous les moments qui me sont offerts. J'dirais jamais non à une petite partie de poker. J'aime quand je mise et quand je fous la misère. 52 cartes et des jetons sur un tapis vert. Gamer jusqu'au cou, j'avoue je joue beaucoup. Fan de Tetris, Rubik's Cube et Sudoku. Contre un ou un contre un, il faut que tu encaisses les balles de GTA et les buts de PES. Sans aucun doute, je fais les choses qui me plaisent. Mon rap a fait de la route et a quitté les parenthèses. Pour gagner la coupe, je découvre mon talent en 16. Car le meilleur des jeux, c'est la langue française. Gamer, ça c'est pour les gamers. Gamer, salut. Je te sers la main, tu me sers à rien. La vie est un jeu de mots dans mon quotidien. Tu veux savoir qui a niqué ton style? Fissa, fissa, m'accuse pas moi. C'est le colonel Arisa. Wazer, quoi de neuf? C'est quoi le bazar? Oui, j'ai reçu un flow, c'est le jeu du hasard. T'aurais voulu en avoir, au moins le toucher, mec. Mais j'ai le jeu gagnant, toi t'as le jeu d'échec. Je touche le ciel comme la marelle, c'est tout le temps pareil. J'écoute du rap radio et c'est 1, 2, 3 sommeil. J'ai la baguette magique de Harry Potter. Approche coquine, on va jouer au docteur. Tu veux pomper mon flow? Mec, achète un conteneur. Appelle-moi virtuose quand je joue avec tes nerfs. T'entends ça, tu l'entends de tout part. T'as des asphyxies comme le jeu du foulard. Gamer, yeah. Si tu viens à la case, mec, ça c'est pour les gamers. Oublie pas ton pack et ta manette, yeah. Gamer, Télécous 974 là, ça c'est pour les gamers. Un petit poker ou un devant derrière? Fin d'après-midi, bien chaud. Pour les gamers. Petit foot, petit basket, on est des gamers. Ça c'est pour les gamers.